correspond à quoi ça? C'est pour aider sur quoi ça? Pour le gain, j'ai compris. Ouais, sur l'ampli basse, sur un ampli basse SVT là, t'as le gain. Après high et low, avec un ultra high light, un ultra high, ultra low. Après t'as un equalizer qui fait basse aiguë. Et le médium en fait, t'as une fréquence. Medium frequency. J'avais essayé un ampli comme ça là. Je vois pas trop de différence hein. Par exemple, le mid-range, par exemple, je mets à 5, je mets à midi, je vois même pas la différence, c'est sur les trebles ça. Ah, je vois pas de différence, hein. Peut-être qu'il faut mettre le hide. Ah si, c'est les médiums en fait, ouais. Ah si, on voit un peu la différence. Tu dois retravailler les médiums, je pense. Ouf. Je vais mettre tout à zéro. Ouais, tout à midi. Oh là, basse aiguë, c'est bon. Fréquence d'attaque des médiums. C'est-à-dire que si je mets... Il y a choix entre... Attends. T'as 5 fréquences et t'as le médium qui va de 0 à 10. Il n'y a pas de compresseur là, fais voir. C'est où qu'on peut mettre un compresseur là-dessus? Faut aller le rajouter dans quoi ça? Oh, moi j'ai juste mis un ampli, hein. Je suis pas fait chier. Mais pourquoi il y a deux amplis là? Stomp A. Ah d'accord. T'as deux chemins. Ah oui d'accord, t'as premier chemin comme ça avec l'ampli. Deuxième chemin, il y a les deux amplis. Troisième chemin. Bon, on va mettre un insert. Oh bon, je touche plus. Peut-être un peu plus de basse. Putain. Il y a ultra high, ultra low. Ça marche pas ça. Thank you. monter le son de la basse. Thank you. Ah là c'est mieux réglé là. Ouais. Je trouve pas le début de ce truc. Ah non, ça change.